Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse 4 femmes scientifiques, une série d'Olivier Chomel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a une préoccupation féministe, mais oui, et une question qui est un peu comme une chanson, car en science, on peut se le demander, où sont les femmes ? Eh bien, elles sont là, même si depuis toujours, on leur pique leurs découvertes et même si elles doivent déployer une énergie considérable pour se faire une place et ne pas compter leurs heures. Et même si, pour voir leurs talents s'épanouir, elles sont parfois obligées aussi d'inventer leur propre territoire de recherche. Mais parfois, quand la machine à effacer l'histoire tombe en panne, eh bien il arrive tout de même qu'elles entrent par effraction dans la légende. Alors pour commencer, les personnages. Un radiothérapeute féru d'histoire et de vieux papiers, une écrivaine biographe de grand destin féminin, une historienne, un directeur de musée qui prend la plume pour porter les couleurs de son héroïne, une conservatrice, un physicien vénérable qui peut rendre à Marie ce qui est à Marie. Ensuite, le décor. L'Institut du Radium, le pavillon Curie, le musée Curie qui occupe son ancien laboratoire, des centres d'archives qui sentent le vieux papier et les jardins du Luxembourg où il fait toujours bon causer parmi les adolescents qui flirtent. Aujourd'hui, dernier épisode, on marche dans les pas de Marie Curie. Quelle histoire ! Quelle belle histoire ! Marie Curie, le radium à l'estomac. Le profane, souvent, ne retient des grands savants que la plus populaire de leurs découvertes, ainsi de l'isolement du radium. Mais l'œuvre de Pierre et Marie Curie est continue, sa fécondité ne se dément pas. Nous admirons aussi les vertus communes de ces deux êtres trop tôt séparés. L'ardeur, l'enthousiasme, l'obstination dans l'effort, la rigueur, la force de la solitude, et un trait les rapproche plus que tout autre, le désintéressement qui est à leurs yeux le fondement de toute éthique scientifique. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent. Au moment où le pays s'incline devant les cendres de celle qui fut, en tant que femme, la première docteure en sciences, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel, je forme le vœu au nom de la France que partout dans le monde progresse l'égalité des droits des femmes et des hommes. Je vous remercie au nom de la nation, comme nous remercions Pierre et Marie Curie. C'est un personnage légendaire dont tous les éléments de la légende sont vrais. Une star absolue et intouchable parmi les femmes de science, Marie Curie. Elle est, comme le disait le président Mitterrand le 20 avril 1995, la première femme à se voir gratifiée du prix Nobel de physique en 1903, aux côtés de son époux Pierre Curie et d'Henri Becquerel, aux travaux duquel elle a donné une suite rayonnante. Elle s'offrira le luxe d'en avoir un deuxième 8 ans plus tard, de chimie cette fois, et seule. C'est évidemment un esprit exceptionnellement brillant, mais il ne faut pas oublier que c'est une travailleuse acharnée. Pour lui rendre hommage, vous pourrez vous amuser dans votre remise à partir de quelques quintaux de minerai d'uranium à préparer ne serait-ce qu'un décigramme de chlorure de radium. Vous vous apercevrez que ça n'est pas chose facile. Vous êtes historienne, Natacha Henry, et vous vous êtes prise de passion pour le personnage de Marie Curie, et notamment pour la relation qu'elle entretient toute sa vie avec une de ses sœurs, Bronia. Alors c'est une famille de 5 enfants, 4 filles, un garçon. Maria Skłodowska est la plus jeune, Elle naît en 1867 et le contexte à Varsovie, c'est l'occupation russe. C'est ça, c'est-à-dire que Marie, qui va devenir Marie Curie, elle naît à Varsovie dans une partie de la Pologne qui est occupée depuis des décennies par les Russes. Cette occupation russe couvre tout le 19e siècle et ne prendra fin que le 11 novembre 1918, qui est enfin le jour de l'indépendance polonaise. Donc des familles comme la sienne, qui sont des profs, la maman dirige une école de jeunes filles, et puis le père est professeur de sciences physiques. Cette génération-là, au lieu de prendre les armes parce que ça a coûté trop cher aux générations précédentes, cette génération-là de profs, petite bourgeoisie, a décidé que plutôt que donc se révolter contre les Russes par les armes, ils allaient se révolter par l'éducation et la connaissance. Et donc Marie grandit dans cette ambiance où on n'a pas le droit de parler le polonais dans la rue, ni on n'a pas le droit de parler non plus le polonais à l'école. Les institutrices font mille ruses pour faire semblant de ne pas parler le polonais quand l'inspecteur russe arrive, mais évidemment, il y a une résistance par la langue maternelle. Et on va apprendre à des enfants comme Marie que la seule chose qu'on ne pourra pas lui prendre dans sa vie entière, c'est ce qu'elle a dans la tête. Ils pensent dans ces familles-là que l'indépendance de la Pologne se gagnera grâce au travail scientifique de cette génération à venir. La deuxième chose, c'est qu'on croit aux sciences par-dessus tout. On est dans une époque de grand progrès scientifique, médical, les ingénieurs, la médecine. Et donc Marie, la petite future Marie Curie, grandit avec l'idée que son cerveau aidera à rendre la Pologne indépendante un jour et que ça se passera par les sciences. C'est un peu austère comme existence. C'est austère parce qu'ils vivent sous la menace permanente des Russes qui peuvent demain matin vous renvoyer de votre emploi. Et surtout, il y a des problèmes de santé publique absolument épouvantables, ce qui va mener d'ailleurs la sœur de Marie, Bronia, à vouloir absolument devenir médecin. Donc la première catastrophe, c'est que la maman va attraper la tuberculose. Donc toute l'enfance de Marie se passe dans cette espèce de drame permanent de cette mère qui n'a pas le droit de les embrasser, pas le droit de les toucher parce qu'on ne sait pas du tout soigner cette tuberculose. Mais on sait qu'elle est très contagieuse, donc il faut que les enfants se tiennent à distance, ce qui est une espèce de désespoir permanent. Et puis, par conséquent, cette dame n'a plus son emploi d'institutrice, elle n'a plus le logement qui allait avec, et il déménage, et le père se retrouve à devoir nourrir toute sa petite famille avec son petit salaire de prof et en étant renvoyé parce que les Russes prenaient des libertés comme ça du jour au lendemain. C'est sûr que l'enfance de Marie est vraiment plombée par les drames familiaux, elle perd sa sœur, elle perd sa mère, enfin c'est épouvantable, mais elles ont un père extraordinaire. Il a élevé donc les quatre enfants, il leur a appris qu'on devait compter sur soi-même, il leur a appris le français, parce que dans ces familles menacées par une dictature politique, il vaut mieux être prêt à faire ses valises et à partir ailleurs. Et il a un mérite encore supplémentaire. C'était un positiviste, comme il y en avait d'autres à l'époque, il n'était pas le seul. Mais sa position était que les filles et les garçons étaient égaux. Et il a appliqué ça à ses propres enfants. Et donc il a dit à ses filles, « Si tu veux, tu peux ». Malheureusement, l'occupant russe en avait décidé autrement. Et Bronia a voulu faire médecine. Marie voulait faire des sciences physiques ou de la chimie et l'université était interdite aux filles. Donc elles ont eu beaucoup de chance là. Une première fois, c'est qu'une patriote féministe polonaise, comme il y en avait à cette époque, des femmes très fortes et très déterminées, a créé l'université volante. Et là, dans cette université volante, c'était complètement clandestin. Les cours changeaient d'adresse à chaque fois. Une fois, c'était la cave d'un prof. Le lendemain, c'était le grenier d'une des élèves. Donc, pendant 2-3 ans, Bronia et Marie ont suivi ces cours dans le plus grand danger. Ce sont des filles qui ont risqué leur vie pour apprendre quand même. Et donc, c'est là que Marie a fait cette proposition qui est à moitié un sacrifice, à moitié une idée de génie. Comme elle était plus jeune, elle a dit à sa sœur, tu vas partir à Paris, puisqu'on parle le français, tu peux t'inscrire à la Sorbonne et suivre les cours, et va donc faire médecine à Paris. Je vais me faire embaucher comme gouvernante dans une famille, et je t'envoie la moitié de mon salaire tous les mois. Et le pacte était, quand j'ai fini mes études de médecine, toi Marie, tu viens me rejoindre à Paris, et tu t'inscris à la fac, et je subviendrai à tes besoins. Et alors ce que Maria Skłodowska, future Marie Curie, trouve à faire, c'est d'aller faire la préceptrice dans une famille assez aisée de la campagne, éloignée de Varsovie. En fait, c'est à 100 km de Varsovie, mais à l'époque, c'est 3 heures de traîneau et 4 heures de train. Donc, c'est toute une aventure. Elle a 18 ans et elle arrive effectivement dans cette propriété pour devenir gouvernante des deux petites filles qui habitent là avec leurs parents. Le père, Monsieur Zoravski, c'est un ingénieur agronome et il dirige cette énorme ferme de betteraves. On convertit les betteraves en sucre. Des ingénieurs chimistes français avaient trouvé que les betteraves pouvaient devenir du sucre. Bref, donc lui, il gagne très très bien sa vie. Donc quand elle voit les voisines de ces jeunes filles, par exemple, qui pensent qu'à se choisir une robe pour aller au bal, elle est complètement sidérée. Marie Curie n'a possédé que deux robes toute sa vie entière. Et si sa sœur Bronia n'était pas arrivée au bon moment de temps en temps, elle aurait encore mis une de ses vieilles robes pour recevoir le prix Nobel. Je veux dire, c'était quelqu'un qui s'en fichait complètement. Il y a sur place, à la raffinerie de betteraves à sucre, une bibliothèque constituée par les ingénieurs qui travaillent à la raffinerie. Et ces gens-là, ils ont importé les traités de chimie français. Donc, alors là, elle se met à lire tout ça le soir. Et comme elle parle français, c'est formidable. Et c'est là que vient une vraie vocation. Et est arrivé à l'été le grand frère de la famille Zoravski, qui s'appelle Casimir Zoravski. C'est de l'ASEM. Marie Curie, en fait, était très romantique sous ses airs austères et très, assez romanesque et très fleur bleue. Et puis, elle a 18 ans et elle est amoureuse de ce garçon. Ce type-là était étudiant en mathématiques. Et Casimir Zoravski est effectivement devenu un des plus grands mathématiciens de Pologne. Mais quand Casimir Zoravski demande à ses parents s'il peut épouser la petite Marie, la réponse est évidemment non. Tu ne vas pas épouser cette pauvresse. Marie vit ça très violemment. C'est une horreur, cette histoire, pour elle. Donc, elle est dans la plus grande déprime. Et elle dit à Bronia, je viens pas à Paris, ma vie ne vaut rien. Il y a des lettres qui sont vraiment poignantes. Cette pauvre jeune fille de 18-20 ans. Qui désespère complètement. Parce que l'histoire, elle a duré quand même 3-4 ans avec ce garçon. Et donc, il y a des lettres merveilleuses de Bronia qui lui disent, mais il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Elle est quand même en train d'écrire à la future Marie Curie, c'est extraordinaire. Mais il va y avoir un personnage très important dans la vie de Marie à ce moment-là qui va la sauver, et c'est son cousin, Joseph Boguski, qui lui a fait ses cours avec Mendeleïev. Il est chimiste. Et le Mendeleïev du tableau périodique des éléments. On rencontre tout de suite du beau monde quand même, hein, dans cette aventure, Natacha Henry. C'est surtout que toute cette affaire est très cohérente. Ce que j'essaye de dire, c'est que Marie Curie n'était pas une femme solitaire, coupée de son époque, toute seule avec sa robe noire, jusqu'au jour où elle rencontre Pierre Curie et ils font pareil à deux. C'est pas comme ça l'histoire. Marie Curie, elle est intégrée dans son époque et que, à cette époque-là, il y a ce tableau de classification périodique. Elle est obsédée par les éléments de la chimie, comme beaucoup d'autres à son époque, comme Pierre Curie d'ailleurs aussi, et elle va contribuer au développement de la chimie et donc du tableau. Finalement, qu'est-ce qui décide Maria Skłodowska à partir tout de même à Paris, à rejoindre sa sœur? Eh bien, c'est que son cousin, Joseph Boguski, il dirige un musée à Varsovie dans lequel il y a un laboratoire et il propose à Marie de venir le soir clandestinement pour utiliser ce laboratoire. Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait lu dans les manuels de chimie quand elle était dans la ferme des Zoravski, tout d'un coup, elle a le moyen de faire des expériences concrètement. Et Bronia lui écrit, maintenant tu viens, il faut que tu viennes à Paris et que tu fasses ces études que tu voulais tellement faire. C'est grâce à elle que Marie s'inscrit enfin à la Sorbonne à la rentrée 1891. Et Ève Curie, sa fille, note à ce sujet, dans la biographie qu'elle a faite de sa mère, ce palais du savoir offre en 1891 un aspect singulier. La Sorbonne, que l'on reconstruit depuis 10 ans, ressemble à quelques serpents pitons en train de changer de peau. On lit sur l'affiche blanche collée au mur près de la loge du portier, République française, Faculté des sciences, premier semestre. Les cours s'ouvriront à la Sorbonne le 3 novembre 1891. Mot magique, mot chatoyant. Marie est maintenant, au délice, une étudiante à la Faculté des sciences. Et sa rencontre avec Pierre Curie, c'est 3 ans plus tard. Comment ça se passe, Natacha Henry? En fait, Bronia suit bien à ses besoins. Mais tout ça ne représente pas beaucoup d'argent et en plus, Marie se fait remarquer par ses professeurs parce qu'elle a beaucoup de talent. Et un jour, un de ses professeurs lui propose de faire un travail pour lui. Mais elle n'a pas la place dans son petit coin, elle, il n'y a pas la place. Et un confrère lui dit, je vais vous présenter Pierre Curie, le professeur Curie, il y a certainement de la place dans son laboratoire. Et il a 8 ans de plus qu'elle. C'est un savant assez bien renommé en France, mais c'est un garçon célibataire. Il vit chez son papa et sa maman, qui sont des gens formidables, qui sont tout à fait comme les Sklodowski à Varsovie, des libres penseurs athées qui croient aux sciences, à l'égalité de tous les enfants, dans l'éducation. Enfin, donc ça va très très très vite paraître cohérent que ces deux-là s'entendent bien. Mais c'est pas si simple pour ce pauvre Pierre Curie, parce qu'il tombe amoureux d'elle, mais il a toujours été prévu que Marie rentre vivre en Pologne, pour, si je peux dire, servir la Pologne scientifiquement. Et Pierre Curie est très malheureux, parce qu'il sait pas comment dire les choses. Et donc il va avoir tout un tas d'idées pour la faire rester, et l'histoire est connue par la suite. On vous rencontre au jardin du Luxembourg, Pierre Radvani, pas très loin de là où tout s'est passé. Tous les hauts lieux historiques de l'aventure des Curie se trouvent juste de l'autre côté du boulevard Saint-Michel. Vous êtes spécialiste de physique nucléaire. Une année cruciale dans cette aventure, c'est 1898, c'est l'année où Marie et Pierre Curie découvrent successivement le polonium et le radium. Marie Curie a donné naissance à leur première fille, Irène, qui deviendra par la suite Irène Joliot-Curie. Et aussitôt après la naissance, elle souhaita préparer une thèse de doctorat à l'Université de Paris, Faculté des sciences. Et ce sera la première thèse en physique préparée par une femme. Elle en discute avec son mari et Pierre attire son attention sur les travaux d'Henri Becquerel au muséum, qui avait découvert que l'élément le plus lourd que l'on connaisse, l'uranium, émettait des rayons de nature étrange et émettait spontanément ces rayons. La source en était intrinsèque à la matière, il ne s'expliquait pas pourquoi il en était ainsi. Mais à l'époque, le monde bruissait de rayonnements nouveaux, puisque très peu de temps auparavant, en 1895, en Allemagne, Röntgen avait découvert les rayons X. Alors, Marie Curie, elle va utiliser toute une série d'appareils qui, en fait, avaient été construits par Pierre. Elle étudie également des minerais d'uranium, avec sans doute l'idée que peut-être d'autres éléments apparaîtraient. Et c'est de cette manière qu'elle voit que le minerai est beaucoup plus actif, c'est-à-dire émet beaucoup plus de rayons que l'uranium métallique chimiquement pur. Elle se pose la question, est-ce qu'un minerai va émettre la même chose que l'uranium pur ? À ce moment-là, Pierre Curie trouve cela tellement intéressant qu'il abandonne ses travaux en cours et va joindre ses forces à celles de sa femme, à la recherche de ce qui peut se trouver à l'état de trace dans le minerai que Marie Curie est en train d'étudier. Et ensemble, par toute une série d'opérations chimiques, ils vont réussir à isoler, non pas encore du radium pur, mais la partie la plus active du minerai, et feront l'hypothèse qu'il s'agit d'un élément nouveau, ils prouveront que c'est un élément nouveau, auxquels ils vont donner le nom de polonium. Alors ceci est remarquable parce que donner le nom d'un pays qui n'existe pas, puisqu'à l'époque la Pologne c'était un ancien pays qui se trouvait partagé entre les grandes puissances. Et donc ils donnent le nom de polonium et ensuite ils continuent leur recherche parce qu'il leur semble que le résidu est également encore plus actif que l'uranium et ils vont quelques mois après le polonium, découvrir le radium. Et c'est sur le radium que vont se concentrer les recherches de Marie Curie. Pour la physique, ils étaient dans un ancien atelier désaffecté. C'est là qu'ils avaient installé leurs appareils de mesure. Et pour la chimie, ça se passait dans un hangar désaffecté. Il n'y avait pratiquement pas de chauffage. Et puis, lorsque les fumées étaient trop dangereuses, Marie Curie allait dans la cour. Marcel Guyot, ce hangar. Vous savez quelque chose à propos de ce hangar ? J'en ai beaucoup entendu parler, et en particulier par Madame Curie elle-même. C'était un local qui dépendait de l'école de physique et chimie ancienne, rue Vauquelin. Mais ce qu'ils avaient là, c'était vraiment quelque chose de misérable, où des tables de fortune permettaient à peine de travailler, le local était mal abrité des intempéries, et c'est là que les opérations de fractionnement, qui ont abouti ensuite à la découverte et à l'isolement du polonium et du radium, ont été réalisées. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est surtout que c'est la preuve de la ténacité extraordinaire et du courage que tous les deux ont manifesté dans leur dénuement. Madame Curie, du reste, a évoqué elle-même cette pauvreté de moyens et cette ardeur dans deux textes que je trouve très beaux. Le premier, lisez-les, oui, c'est celui-ci. La découverte du radium a été faite dans des conditions précaires et le hangar qui l'a abrité apparaît revêtu du charme de la légende. Mais cet élément romanesque n'a pas été un avantage. Il a usé nos forces et retardé les réalisations. Avec des moyens meilleurs, on eût pu réduire à 2 ans les 5 années de notre travail et en atténuer la tension. On est au musée Curie, dans le 5e arrondissement à Paris. C'est un endroit historique. Donc ce que vous conservez ici, Renaud Huyne, raconte toute une aventure. Il y a quelques photos anciennes qui sont là. C'est le hangar de la rue Laumont. Oui, il ne reste que des images de ce lieu mythique où Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium, le radium. C'était un lieu qui n'était pas réellement adapté aux recherches scientifiques, mais... Souvent présenté comme un peu misérable, oui, sale. Il était décrit comme tel. Mais lorsque Marie Curie en parle à la fin de sa vie, elle en parle avec beaucoup d'émotion et elle dit que finalement, c'est les plus belles années de sa vie qu'elle a passées dans ces conditions peut-être un peu difficiles, mais... où elle avait une grande liberté, et cette liberté de chercher. On peut penser qu'il y a certains objets conservés au musée Curie, Renaud Huyne, qui conservent encore de la radioactivité. Vous ne trouverez pas ici de sources radioactives intenses, puisque c'est un lieu qui a été identifié très vite comme lieu où on manipulait des sources radioactives, qui a été décontaminé. Donc il n'y a pas ici de traces de radioactivité très importantes. Il y a des petites taches radioactives qui sont souvent sur des documents. On a par exemple une fiche de laboratoire qui contient à la fois les écritures de Pierre et de Marie Curie et puis ce fameux chiffre de 223,3. Et l'original de cette fiche est toujours radioactif et le sera pour quelques années encore, puisque la demi-vie, la période du radium est de 1600 ans. C'est le temps qu'il faut pour que la moitié de la quantité qui était présente au départ se transforme. Assez vite, Jean-Marc Cosset, Renaud Huyne, il y a une véritable frénésie du radium. On met le radium à toutes les sauces. Pourquoi on atteint un tel niveau de délire ? Je pense que le délire n'est pas venu tout de suite. Il est venu justement parce que le radium a apporté d'un seul coup énormément de choses, en particulier en thérapeutique. Le radium a permis de guérir des milliers de gens dans le monde entier. Le problème, c'est que c'était dangereux, non pas pour les malades, mais pour nous, pour les médecins, les techniciens, les ingénieurs et ceux qui le manipulaient. Et c'est pour ça que ça a été interdit. Mais ça a permis de guérir plein de gens. Donc, effectivement, le radium très très vite a eu une renommée très positive et, bien entendu, assez rapidement, comme vous le dites, on l'a mis à toutes les sauces parce que les marchands du temple s'en sont emparés. J'ai vu que ça allait jusqu'au camembert. Il a existé un camembert, le radium. Il y a eu un camembert, le radium, il y a eu du beurre aussi, radium butter, il y a tout un tas de produits, du préservatif, des suppositoires, des cirages pour les chaussures, du rouge à lèvres, du dentifrice, des poudres. Et la vigoradine pour les faiblesses viriles prématurées, donc l'ancêtre du Viagra. Ils auraient pu prendre un brevet sur le radium, mais ils auraient été millionnaires. C'est le désintéressement complet du couple Curie. Ils ne l'ont pas fait en toute connaissance de cause. Ils n'ont volontairement pas pris de brevet pour que le radium puisse bénéficier au maximum de gens, de façon tout à fait volontaire. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Donc on va descendre au sous-sol, là où sont sauvegardés les documents. Les archives Curie sont considérables en volume et en importance historique et sont conservées pour partie à la Bibliothèque nationale et pour partie au musée Curie, où elles sont placées sous la responsabilité de Nathalie Pijard-Micot. Donc l'armoire forte nous permet de sauvegarder les tirages photos anciens. Donc nous avons là les quatre plaques de verre couleur unique qui existent de la famille Marie Curie au temps de Marie Curie. Donc, on a par exemple cette petite plaque de verre et vous voyez un peu le bleu de la robe d'Ève Curie qui est tout bébé là sur les genoux de sa mère qui est en robe blanche. C'est marrant de voir Marie Curie en robe blanche puisque... C'est plutôt en noir. Voilà, et puis dans l'imaginaire populaire, c'est Marie Curie, c'est le noir. Donc là, on voit que non, elle savait aussi mettre de la couleur dans sa vie. Donc voilà, ça, c'est des documents que vous verrez nulle part ailleurs. Voilà. Nous avons aussi toutes les lettres de Marie Curie à ses filles. Nous avons toute la gestion du laboratoire de Curie par Marie Curie. On a aussi d'autres fonds scientifiques qui permettent de voir la scientifique. Et tout ça transparaît dans différents fonds que nous conservons. C'est un peu ça qui fait la notoriété du personnage et l'admiration qu'on lui porte. Disons, c'est une femme, une savante, une mère de famille. Oui, c'est une image qui a été... c'est là-dessus que l'image de Marie Curie s'est construite, mais d'elle son vivant. Mais on a tout de même affaire à une défricheuse, à une pionnière en tant que femme de science. Marie Curie est bien une pionnière, première femme à être professeure titulaire à la Sorbonne. Elle a été la première femme élue membre libre de l'Académie de médecine. Mais elle a été aussi la première femme à diriger un laboratoire de recherche universitaire. Mais elle est inscrite dans un mouvement, en fait, où on s'aperçoit que il y avait aussi des femmes qui dirigeaient des laboratoires, par exemple de longitude à l'Observatoire de Meudon, bien avant elle, Dorothée Klumke, des femmes qui ont donné des séries de conférences à la Sorbonne 50 ans avant elle. Donc elle arrive à un moment de l'histoire où la France se divise un peu en deux, entre catholiques extrémistes de droite et républicains extrémistes qui se veut progressiste dans la relation homme-femme. Donc la communauté scientifique que fréquente Marie Curie via Pierre Curie est une communauté scientifique qui, par exemple, tous, à part Pierre Curie, d'ailleurs c'est ça qui est amusant, tous ont signé l'appel à la révision du procès de Dreyfus, par exemple. Les Curie participent à la vie publique et citoyenne, comme on dirait aujourd'hui, mais dans une certaine discrétion. Nathalie Pijarmico. Marie Curie, de toute façon, ne supportait pas les prises de parole publiques, ne supportait pas d'être jetée en pâture pour la presse. Elle avait subi, avec Pierre Curie, déjà, quand ils ont eu le prix Nobel en 1903, c'est un bouleversement. D'un seul coup, ils sont jetés sur la place publique, ils comprennent pas. Harcelés. C'est des personnes qui sont très, quand même, introverties, qui ne souhaitent pas être sur la place publique. Cet enthousiasme du grand public vis-à-vis de la gloire due au Nobel en 1903, attribué à Marie et Pierre Curie, est difficilement compréhensible. Non, parce que en fait, le prix Nobel est une institution très récente. Le premier prix Nobel a été donné en 1901, et c'est la troisième année. Parce que aussi la radioactivité pour laquelle ils sont. Donc, ils sont lauréats de ce prix Nobel avec Henri Becquerel, il ne faut surtout pas l'oublier, promet déjà énormément de choses. Donc, la radioactivité était promise à quelque part sauver le monde, comme ces scientifiques se promettaient de le faire par la science depuis une dizaine d'années. Ça redonnait un coup de pouce aux scientifiques de la fin du 19e. C'est la science qui va sauver le monde. On remarque qu'il y a une harmonie remarquable entre Marie et Pierre Curie. Dans tous les aspects de la vie, ils forment un couple exemplaire de savants. Ils sont mariés depuis quelques années, ils ont travaillé ensemble jour et nuit depuis des années. Ils sont les deux moitiés d'un même atome. Elle a écrit une lettre à sa sœur Bronia, « J'ai le meilleur mari qu'on puisse espérer, je n'aurais jamais imaginé en trouver un aussi bien. » C'est des lettres très émouvantes que j'ai retrouvé, mais effectivement... C'est vrai que c'est un personnage très estimable, Pierre Curie. Un homme parfait. Mais d'un point de vue scientifique et féministe, je pense que c'est effectivement le prince charmant, moi. À tel point que quand il est, lui, nommé pour le prix Nobel, parce que les messieurs de l'Académie des sciences en France prennent la décision en réunion de nommer que Pierre Curie, parce que ce sont des misogynes, et pour certains, sans doute, parce qu'elle était, entre guillemets, étrangère, alors... Pierre Curie, l'ayant appris par un académicien suédois que Marie n'était pas dans la candidature française, il dit tout de suite, mais si elle n'y est pas, j'y vais pas, quoi. Bien sûr, il y a la gloire, mais l'histoire de Marie Curie a aussi toute l'allure d'un conte triste d'Europe centrale. Les malheurs s'accumulent, Marie a perdu sa grande sœur, sa mère, et puis en 1906, son cher Pierre. À ce moment-là, il y a Irène et la petite Ève qui a 1 an et demi quand les choses se passent. Ils ont trop travaillé, ils sont trop fatigués. Et en avril 1906, Pierre Curie sort d'une réunion, il pleut, il a la tête dans les nuages, sans doute. C'est ce qu'a dit son père, en tout cas, quand il a appris la nouvelle. Et il traverse le pont sur la Seine, en bas, là où, à côté de l'ancienne Samaritaine. Et il n'a pas vu venir une voiture à cheval. Et donc, il a glissé, il est tombé sous les roues du cheval. Et il est mort. Ce qu'a vécu cette femme, c'est au-delà de l'imaginable. Alors, elle a été représentée avec sa petite robe noire et ses tubes à essai dans son laboratoire. Elle a eu 2 prix Nobel, elle a élevé ses 2 filles admirablement et elle a marqué l'histoire de l'humanité de façon extraordinaire. Mais l'intérieur émotionnel de Marie Curie, il a souffert le martyr. Elle n'est vue tout le temps que scientifique, tellement froide et austère, etc. Moi, je pense qu'elle a un corps et il fallait lui rendre son corps. Et effectivement, ce qu'elle vit dans les moments désastreux comme, ça, comme celui-là, de même les moments d'amour avec les 3 garçons qu'elle a aimés, mais aussi ces moments-là. Et c'était pas un robot, Marie Curie. Elle aura du mal à se remettre de la mort de Pierre, Marie. Elle est dans un désespoir profond. Elle écrit aux morts des lettres assez bouleversantes. C'est-à-dire, elle tient un journal. Et dans ce journal, elle écrit ce qui peut être considéré comme des lettres aux disparus. C'est presque entièrement sous la forme d'un dialogue avec Pierre Curie. Marie Curie est la seule femme et une des seules personnes à avoir eu 2 Nobel. Le premier, c'est en 1903, en physique. Et 8 ans après, on lui décerne celui de chimie. Oui. Elle a le prix Nobel en 1911 pour les services rendus à la chimie par la découverte des éléments radium et polonium, par l'isolement du radium et l'étude de la nature et des composés de cet élément remarquable. Alors, Marie Curie s'est attachée à séparer, parce qu'il y avait des gens qui doutaient, qui disaient un élément qui se trouve en quantité si petite que l'on n'arrive pas à le voir, ça ne peut pas être un véritable élément chimique. Donc Marie Curie a relevé le défi et a concentré toute son énergie à séparer le radium pur de façon à ce qu'on puisse le voir, ce qui était d'ailleurs très dangereux. Et avec le chef de travaux qui était André de Bierne, ils ont réussi en 1910 à séparer du radium pur qui permettront de donner le prix Nobel de chimie à Marie Curie. Alors elle a été une des rares personnes à voir le radium pur. Une toute petite quantité, mais une quantité pondérable. C'est 1/10 de gramme. Et il y a toute une série de physiciens et physiciennes étrangers qui viennent, qui demandent à venir à Paris et qui seront ses collaborateurs. Hélène Gleditsch, vous apparaissez en 1907 dans le laboratoire de Madame Curie. Mais il n'est pas étonnant de ces jeunes gens, jeunes physiciens et jeunes chimistes. Dans bien des pays, ont eu envie de connaître ce conte de fées. À l'endroit même où elle a pris naissance, à Paris, au laboratoire qu'on savait être dirigé par Madame Curie. C'est bien dans ce laboratoire que j'ai vu pour la première fois Madame Marie Curie. Je fus tout de suite impressionnée par le regard très droit de ses yeux gris, sous un front très bombé, entouré des beaux cheveux châtains. Son visage était fermé, un peu triste, mais s'animait quand elle parlait, et de temps en temps un sourire l'éclairait et la rajeunissait. Pour Madame Curie, je crois qu'une expérience n'était pas un pas vers un intéressant résultat. Elle avait devant l'expérience le même éblouissement qu'un enfant devant un jouet. Même si Marie Curie était extrêmement bienveillante avec ses élèves, avec ses collègues, c'était pas une personne apparemment facile. C'est une personne qui était, je pense, si exigeante, d'abord pour elle-même, Donc elle l'était également pour les autres et qu'elle n'était pas facile tous les jours. Donc il faut savoir. Sur le plan de l'enseignement, elle a repris. Alors il y a l'image d'Épinal de Marie Curie reprenant les cours de Pierre Curie à l'université, à l'endroit même où Pierre Curie l'avait laissé. Juste avant de mourir, de se faire écraser, entre parenthèses, avec des images dont on dispose, ou la première page de l'équivalent de France Dimanche, montrant avec une flèche la roue qui a écrasé le crâne de Pierre Curie. L'horreur. Bon. Et puis, il y a eu des moments très difficiles. Elle a quand même été refusée à l'Académie des sciences, parce qu'on n'allait quand même pas nommer une femme à l'Académie des sciences. Il y a eu cette histoire avec Langevin. Mais c'est effectivement consécutif à cette... ce refus de l'Académie des sciences où la presse a commencé à qualifier Marie Curie d'étrangère qui avait épousé Pierre Curie, qui avait profité de sa notoriété, etc. Et en 1911, éclate une affaire dans la presse également où une liaison avec Paul Langevin, qui était un élève de Pierre Curie, qui était un brillant scientifique également, est mise à jour dans la presse. Et ça fait 5 ans qu'elle est veuve, hein, quand même. Oui, et c'est Paul Langevin d'ailleurs qu'on devrait accuser d'avoir trompé sa femme. Finalement, cette affaire éclate et c'est un deuxième acharnement médiatique autour de la personne de Marie Curie. On lui demande même de quitter le territoire français en disant que c'est la méchante polonaise briseuse du bon ménage français, cette famille française. Et c'est un énorme coup monté finalement, mais qui a été très violemment pris par Marie Curie, qui s'est fait agresser physiquement et qui a failli quitter définitivement le territoire français à ce moment-là. Irène Frein, vous avez publié Au Seuil en 2015 un roman historique intitulé Marie Curie prend un amant. Vous avez trouvé un document assez rare, opus ou chez un libraire d'anciens. Oui, j'ai trouvé un petit livre. C'était des exemplaires d'une feuille de droite et d'extrême droite qui contenait des propos absolument abominables sur Marie Curie. C'était publié en fin 1911 et il y avait également la copie d'une assignation à comparaître au tribunal de Paris en correctionnel au motif de complicité d'adultère. Elle risquait une très forte amende et la prison. Et Marie Curie avait été en grand danger d'être expulsée de France. Et c'est une très grande passion romantique. Je pense que le fond du cœur de Marie Curie, c'est ce romantisme slave, et évidemment qui contraste avec le portrait de la scientifique austère qu'on donne toujours. Elle n'a jamais renié cette histoire, et elle a engagé toute sa passion dans cette histoire avec Paul Langevin. Par exemple, quand l'endroit où ils se retrouvent est découvert par les journalistes, elle loue un autre lieu où le retrouver. Et elle le meuble. Et ça, c'est un moment où elle est déjà soumise à un chantage extrêmement violent, un chantage financier. On cherche à prendre la revanche de l'affaire Dreyfus. Marie Curie s'est jamais engagée, mais elle fréquentait un groupe de Dreyfusards, dont Paul Langevin. Et on retrouve d'ailleurs des thèmes très contemporains. Dehors l'étranger, le bouc émissaire, et la femme mise à nu. On dévoile sa vie privée, on a volé ses lettres d'amour par effraction, etc. Donc c'est très contemporain. Elle est poursuivie, c'est la première fois poursuivie par des paparazzi. Et dans la lettre d'amour qui a été conservée dans l'assignation du tribunal, on voit aussi qu'elle veut fonder une famille avec les enfants de Paul Langevin. Donc tout ça est très moderne. Et en fait, cette histoire est très noble parce que Marie a cru voir en Paul, la résurrection de Pierre Curie, mort tragiquement. Il est physicien comme... Oui, c'est un élève de Pierre Curie. S'il a une liaison avec Marie Curie, Paul Langevin, c'est surtout qu'il n'aime pas sa femme. Il a une vie infernale avec sa femme. Sa femme ne lui pardonne pas de ne pas vendre son ingéniosité scientifique à l'industrie. Le modèle de l'époque, c'est Gustave Eiffel, qui est devenu milliardaire. Et donc, c'est un homme battu, en fait. Il est battu depuis le début de son ménage. Il était quand même battu à coups de barre de fer. Il avait une cicatrice sur le crâne. Mais je crois quand même qu'il s'est pas mal comporté au moment du scandale. D'abord, il a accepté de se battre en duel, alors qu'il ne savait pas manier le pistolet. On a trouvé le moyen pendant la nuit de qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Il y a eu des tractations, c'est quand même un père de 4 enfants. Et puis surtout, il a sacrifié finalement la garde de ses enfants pour que Marie Curie ne soit pas traînée devant le tribunal. Or, elle, Marie Curie, était prête à aller au tribunal. C'était un peu, on me verra, on m'entendra. On comprendra. Et la justice passera. Ou alors, c'est pas une justice. Le désastre de cette histoire a été qu'en plus de tout ce qu'elle a vécu, d'être jetée en pâture à l'opinion publique, sa maison a été saccagée. Et épuisée par les épreuves, à un moment, elle a pensé que ça s'arrêterait jamais. Et à ce moment-là, elle a fait une très grave infection et elle a dû subir une opération qui était une véritable mutilation féminine et où elle avait risqué sa vie. Elle a failli mourir. Et elle a mis un an avant de se remettre. On n'était pas la médecine moderne. Donc, il a fallu qu'elle se répare aussi de s'être trompée sur un homme. Marie Curie a failli quitter définitivement le territoire français à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait et c'est probablement la Première Guerre mondiale qui finalement va la remettre dans un investissement pour sa patrie d'adoption, la France, et qui va la remettre en selle finalement dans une activité scientifique où elle se sentait très malmenée, même si ses collègues scientifiques étaient très proches d'elle et la soutenaient dans cet acharnement médiatique. Parce qu'on voit les coupures de presse de l'époque, c'était extrêmement violent. Comment expliquer l'engagement de Marie Curie dans la guerre 14 ? L'engagement, je crois qu'il s'est fait de fait, tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la mobilisation générale, le service de santé du ministère de la guerre lui demande de recenser les appareils radiologiques qui existent et les industries électriques pouvant fabriquer des appareils radiologiques. Donc immédiatement, elle est mise de fait dans le système. Il y a aussi le fait que la place de la Russie dans cette Première Guerre mondiale, le tsar écrit que si les Polonais prennent position contre l'Allemagne, il leur donnera l'indépendance par la suite. Donc l'enjeu de la Pologne, son pays natal, est très important. D'ailleurs, c'est le seul article qu'elle va publier dans la presse montrant publiquement ses opinions patriotiques sur la Pologne. Ensuite, parce qu'effectivement, la France, c'est son pays d'adoption, c'est le pays de naissance de ses filles. Elle demande à ses filles de fabriquer des pulls pour les poilus et à elle d'aller installer des appareils radiologiques. Et tout le monde doit œuvrer pour l'effort de guerre. Dès le début de la guerre, elle va être amenée donc à installer des postes radiologiques fixes dans les hôpitaux pour sauver des vies, quitte à traverser les zones armées alors qu'elle n'en a pas le droit. Elle a une liasse de laisser passer où il y a juste la signature et c'est à elle de remplir pour quel lieu, pour quand. Mais là, une des forces aussi de Marie Curie qu'on a oubliées pendant cette guerre, c'est d'avoir su utiliser sa propre découverte, c'est-à-dire la radioactivité, d'avoir fabriqué des petites ampoules de radon pour les poser sur les plaies béantes de façon à les aseptiser, les cautériser. Et ça aussi, ça a sauvé des milliers de vies, on le sait trop peu. Enfin, la Première Guerre mondiale, pour Marie Curie, c'est vraiment un tournant dans la personne. Au retour de la guerre, c'est plus du tout la même femme. Elle l'a compris qu'elle pouvait être aussi utile au contact direct des autres. Et vis-à-vis de ses étudiants, vis-à-vis des gens qui vont travailler dans le laboratoire avec elle, ça va être le jour et la nuit. On pénètre dans le laboratoire de chimie qui était affecté aux différents directeurs qui ont travaillé là. Et c'est le lieu dans lequel Marie Curie menait ses expériences, où Irène aussi a fait une série d'expériences ici. Et contrairement au bureau qui ne présentait pas de traces particulière de radioactivité, ici ça a dû être décontaminé. Marie Curie y passait parfois des nuits lorsque une expérience demandait sa présence. Quelles hypothèses avez-vous, Renaud Huyn, quant à l'immense popularité mondiale de ce personnage, Marie Curie ? Tout d'abord, il y a le premier prix Nobel pour la découverte de la radioactivité en 1903. Elle obtient quelques mois après avoir soutenu sa thèse de doctorat. C'est un début de carrière universitaire quand même assez remarquable. Ensuite, elle obtient un second prix Nobel. C'est toujours la seule femme à avoir obtenu deux prix Nobel scientifiques. Il y avait peu de femmes à l'époque qui ont eu une telle carrière, en tout cas de telles responsabilités. C'était la première femme à diriger un vrai laboratoire de recherche. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'écrits. La légende commence à s'écrire. Elle était déjà écrite lorsque Marie Curie publie un livre sur Pierre Curie en 1923. Elle relate ses découvertes, elle insiste sur le côté misérable de ce laboratoire. Ça renvoie à une image aujourd'hui de ce pauvre couple scientifique perdu dans un petit hangar minable à touiller des grandes bassines fumantes en blouse. C'était la réalité, mais pendant quelques années seulement. Ensuite, avec la notoriété des prix Nobel, les choses ont changé. Et c'est par ce travail de directrice de recherche qu'il va y avoir encore de très grandes découvertes. La radioactivité dite artificielle, mais aussi le francium par Marguerite Perret dans son laboratoire, etc. Et il faut se rendre compte, comme je vous disais, que la Première Guerre mondiale avait transformé Marie Curie et qu'elle pouvait, s'était aussi aperçue donc, d'une chose pendant la Première Guerre mondiale, c'était du pouvoir de son nom, du pouvoir de sa renommée. Son nom lui permettait de lui ouvrir des portes. Mais malheureusement, ce qui va lui manquer, c'est ce fameux radium qu'elle a découvert avec Pierre Curie, donc ils n'ont pas bénéficié de retombées financières. Maintenant, le radium, il fallait l'acheter. Et dans les années 20, c'est hors de prix. Un gramme de radium coûte une fortune, puisque le gramme coûte 100 000 dollars. En essayant de faire une conversion aujourd'hui, ça fait à peu près 1 million d'euros. C'est une somme monstrueuse pour une quantité de matière qui est très faible. Et donc Marie Curie, avec ses crédits de laboratoire, n'avait évidemment pas de quoi s'en procurer. D'autant que les États-Unis avaient le monopole de la production de radium. Et c'est grâce à une journaliste américaine qu'une collecte a été organisée aux États-Unis pour recueillir cette somme et offrir un gramme de radium à Marie Curie. En échange, il fallait qu'elle se rende aux États-Unis pour que le président américain lui remette solennellement ce gramme de radium et qu'elle fasse une série de conférences dans un certain nombre d'universités et de lieux aux États-Unis. Et c'est une tournée triomphale qui va être organisée autour de cette personnalité qui finalement était assez décriée en France, mais qui, outre-Atlantique, avait une notoriété absolument phénoménale. Et ça a été vraiment une tournée triomphale qui a été couverte par des dizaines de milliers de coupures de presse. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que j'ai trouvé récemment une image pour montrer la méconnaissance quand même du public à l'époque, où il y avait donc le président des États-Unis qui présentait le gramme de radium à Marie Curie. Et en fait, on le voit sur cette image avec un petit coussin, la main tendue, une espèce de petit truc qui brille au beau milieu du coussin et tendant le gramme de radium, donc comme ça, à Marie Curie avec sa fille à côté. Donc effectivement, c'était pas tout à fait comme ça que ça pouvait se passer en réalité, parce que sinon, ça devenait extrêmement dangereux. On sait aujourd'hui que pour se protéger efficacement contre un gramme de radium, en tout cas contre les rayons les plus pénétrants, il faut une épaisseur d'un mètre de plomb. Alors après, elle va beaucoup voyager. Elle va participer à la commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations, c'est ce qui préfigurait l'UNESCO, pour essayer de diffuser un double message, un message de paix entre les peuples. Elle va par exemple en 1926 au Brésil pour faire une série de conférences. Et elle n'est pas toute seule pour cela, elle est entourée de Jean Perrin qui a aussi cette approche. Elle est très proche d'Albert Einstein d'ailleurs, elle va l'inciter à faire partie de cette commission de coopération intellectuelle. Et elle va participer à tous les grands congrès qui concernaient son domaine d'expertise de l'Institut du Radium. Albert Einstein disait que de toutes les personnes qu'il avait pu côtoyer, Marie Curie était la seule que la gloire n'avait pas pervertie. Il y a aussi une table numérique dans laquelle on peut aussi visualiser un certain nombre de documents et entendre la voix de Marie Curie. On a peu de témoignages sonores, on n'en connaît qu'un. Voilà, c'est en 1931 que Marie Curie va participer à une cérémonie pour la remise d'une médaille d'or du Collège américain de radiologie. Et on a le témoignage de Marie Curie, on entend sa voix, c'est très court. Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. Merci beaucoup, madame. C'est émouvant. Elle roule les airs. Oui, elle a conservé son petit accent polonais Et puis on voit sur ces images une petite hésitation aussi. Il a fallu la convaincre pour qu'elle participe à cette cérémonie. Elle était déjà assez faible. Elle est décédée seulement 3 ans après cet événement. Elle a 64 ans en ce moment-là, c'est ça ? Un petit peu moins. Comment se passent les dernières années de la vie de Marie Curie, Natacha Henry ? Marie Curie n'a jamais eu une santé très forte, donc elle continue à travailler, mais elle va avouer à Bronia notamment que sa vue baisse, qu'elle a un peu de mal de temps en temps. Personne ne le sait. Il n'y a vraiment que Bronia qui le sait. Évidemment, tous les gens qui ont été exposés à la radioactivité ont subi des conséquences sur leur santé, elle comme les autres. Mais à la fin de sa vie, elle est une grand-mère très impliquée. Alors Marie, au départ, elle pensait que sa fille Irène ferait de la physique et que sa fille Ève ferait de la médecine et qu'à elles deux, elle symboliserait l'Institut du Radium où on fait et de la recherche scientifique et des soins médicaux. Mais dans le cas de Ève, ça n'a pas du tout marché parce que Ève était vraiment beaucoup plus du côté artistique. Mais dans le cas d'Irène, ça a très bien marché. Irène Joliot-Curie a complètement pris la suite de sa mère avec son mari Frédéric et ils ont d'ailleurs reçu un prix Nobel eux aussi, peu après la mort de Marie Curie, pour avoir découvert la radioactivité artificielle. Et un an plus tard, en 1936, Irène est une des 3 premières femmes secrétaires d'État dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Donc tout ça, quand même, suit bien ce qu'avait espéré le grand-père Sklodowski au XIXe siècle en Pologne, et le grand-père Curie en France. Donc sa santé décline, elle s'implique dans la Société des Nations auprès de coopération scientifique internationale, ce qui est génial parce que c'est cohérent. Marie Curie n'a pas de frontières, elle veut que les savants, les intellectuels et tout le monde travaillent ensemble sans frontières. Heureusement pour elle, elle n'a pas vu arriver la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, les dernières années, elle fait quelques voyages en France, notamment dans le sud de la France, avec Bronia, qui est veuve aussi et qui l'a rejoint de la Pologne. Elle se retrouve comme ça régulièrement. Et puis, peu à peu, elle va s'éteindre dans un hôpital français à 67 ans. Parfois, vous introduisez la notion, Nathalie Pijard-Micaud, de syndrome Marie Curie. Pour parler, grosso modo, du fait qu'une femme scientifique doit un petit peu souffrir pour arriver à la renommée, à ses fins, vivre dans une certaine austérité, faire des sacrifices, beaucoup. Non, à la manière de Marie Curie. C'est justement ce que je combats, parce que c'est ce qu'on est. On prend l'image de Marie Curie, on la transforme en disant qu'elle était une exception. C'est-à-dire qu'on occulte toutes les femmes du 19e siècle. C'était la seule femme scientifique. Et puis, elle s'est complètement dévouée, sacrifiée à la science. Alors que non, Marie Curie le dit. Elle a fait ce qu'elle aimait. Elle s'est pas sacrifiée, elle s'est pas dévouée. Elle a fait ce qu'elle aimait. Elle l'a fait à fond parce qu'elle était passionnée. Mais pas parce que pas parce qu'elle était femme. On dit qu'elle a été rejetée par tous les hommes. La preuve, l'Académie des sciences, etc. Bon, c'est pas vrai. Au départ, elle a quand même eu un laboratoire, elle a eu un prix Nobel, et l'Académie des sciences, c'est plus un rejet, je dirais, politique. Et donc, on donne cette image, en fait, de pauvre petite scientifique contre l'ensemble des hommes à Marie Curie, et on veut dire aujourd'hui aux jeunes filles que, si vous voulez faire des sciences, il faut vous dévouer autant que Marie Curie. Bon, franchement, c'est pas très engageant, quoi, comme image. Et ce sur quoi je me base, c'est justement pour réhumaniser Marie Curie. Elle a fait avant tout ce qu'elle aimait. Et aujourd'hui, je pense que, fille ou garçon d'ailleurs, ce qui est important quand on parle de science, c'est d'enlever cette idée de dévouement, de sacrifice de la vie privée. Marie Curie comme Irène, elles n'ont pas fait de choix entre vie privée et vie professionnelle. Marie Curie, le radium à l'estomac. Avec Jean-Marc Cosset, radiothérapeute, Irène Frein, écrivaine, Natacha Henry, historienne, Renaud Huyn, directeur du musée Curie, Nathalie Pijard-Micaud, responsable des ressources historiques au musée Curie, Pierre Radvani, spécialiste de physique nucléaire. Et en archive, les voix de François Mitterrand, Marcel Guyot et Hélène Gleditsch. Merci au service de presse du Sénat. Bibliographie abondante sur franceculture.fr. Archivina Sandra Escamez, prise de son Philippe Etienne et Yann Fressy. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Vincent Deck pour la série documentaire. Auditrice, chercheuse, étudiante, physicienne ou admiratrice, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Et pour briller dans les amphithéâtres, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le laboratoire ou nous réécouter ce soir à l'UNESCO pour la remise du prix de l'UNESCO pour les femmes et la science, eh bien c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et la semaine prochaine, nous referons la marche contre le racisme et pour l'égalité qu'on a appelée marche des banlieues. Demain, à la même heure, vous retrouvez le magazine de la rédaction. Et bien sûr, ne manquez pas les émissions documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.